À tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, l'émission qui ne prend jamais de vacances sur l'antenne du 94 MHz, émission également diffusée, podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr, blog qui n'est pas à l'arrêt non plus. On va réussir à vous proposer l'ensemble des émissions et rattraper le peu de retard qu'on a pris ces dernières semaines. Voilà, donc quelques émissions ont été postées depuis le début d'année, mais on devrait corriger le tir d'ici peu. On va attaquer avec une formation qu'on écoute depuis un bon paquet d'années. Il s'agit d'un trio mené par un saxophoniste hurleur et aussi vocaliste en la personne de Ted Milton, le groupe Blurt, bien évidemment, qui est de retour en ce début ou en cette fin février avec un tout nouvel opus qui s'intitule tout bonnement Live At Auto, du nom de ce club de l'Est londonien. Un concert qui a été capté au début de l'année 2016, qui vient tout juste de sortir sur le propre label de Blurt, Salamander Records. Alors Blurt, bon, c'est un groupe qui a démarré à la fin des années 70, donc pas mal de gens qui y ont participé, projet à géométrie variable autour de son leader, le poète et vocaliste, également marionnettiste d'ailleurs, Ted de Milton, mais la formation est assez stabilisée. Aux côtés de Ted Milton, on retrouve depuis un bon petit paquet d'années le guitariste qui est présent depuis la fin des années 80. Il y a eu une petite interruption, je crois, dans les années 90, mais il est revenu fin des années 90. Voilà le guitariste que je retrouve, Steve Eagles. Et puis le batteur, lui, est un peu plus récent. Il a démarré dans les années fin 2000, début 2010. Voilà, en tout cas la musique de Blurt est assez inamovible depuis cette époque, et ça devait faire, je pense, depuis à peu près la fin 80 qu'ils n'avaient pas sorti de live, donc c'est plutôt une bonne idée. On va écouter le titre qui figurait et qui d'ailleurs avait donné aussi le nom de leur précédent opus, Beneath Discordant Skies, donc le dernier album studio de Blurt. On écoute Blurt au Café Auto, début 2016. Mmh.

info. Well, you can cry me a river. A long, deep river. Cry me a river. Filled with octillion tears. I cried a river over you. Not just a creek or a stream. Now you say you love me. Well, just to prove you do. Here comes the hard part. Come on and cry me a river. Like the Mississippi. Cry me a river. Or maybe denial. Thank you. démarrage en fanfare dans l'asile le plus sûr, ou pour le moins tintinabulesque. On a démarré avec Blurt le 13 janvier 2016 au fameux club de Dalston dans le nord-est de Londres, comme si vous y étiez, avec ce Bines Discordian Skies qui était joué en concert donc, et que vous pouvez retrouver sur ce nouvel opus de la formation Blurt qui vient de paraître sur Salamander Records. Bon, on y retrouve à peu près tout ce qui fait Blurt depuis les débuts, depuis quasiment 40 ans, en tout cas 37 ans au compteur, en tout cas ça c'est sûr, pour la formation de Ted Milton, avec ce style assez inamovible de post-punk, assez énervé et toujours très très inspiré. Et on a enchaîné avec un grand classique et le fameux titre Cry Me a River qui a été chanté par des palanquées de gens depuis les années 50, ce thème d'Arthur Hamilton, jusqu'à même des Français, Eddie Mitchell, Victor Laszlo, j'en passe, rien à voir en tout cas avec le Cry Me a River de Justin Timberlake, ce titre repris par le Cara et Mike Kangloff with their Great American Drone Orchestra, extrait de cet excellent opus Knock on Live Store, un double album assez somptueux produit par l'étiquette MEI Music, un disque qui était sorti il y a de ça quelques mois mais qu'on n'avait pas vraiment pris le temps d'écouter jusqu'ici, et c'est fort dommage parce que l'album est vraiment grandiosissime. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire ça, avec toutes ces reprises du grand répertoire classique américain, notamment Sentimental Journey, Moon Indigo, pas mal d'autres choses, Sunnyside of the Street par exemple, sur ce double album repris à la sauce Cara Kangloff, avec sa voix assez énervée, et son conjoint Mike, le fameux joueur de cordes qui jouait dans Pelt, la formation aux côtés de Jack Rose, notamment Nathan Bowles et Patrick Best, formation qui n'existe plus vraiment, je crois qu'ils avaient encore enregistré au début des années 2010, et par ailleurs il joue aussi dans quantité d'autres choses, Mike Kangloff, notamment le fameux Black Twig Piggers, qui avait sorti aussi des choses aux éditions Thrill Jockey. En tout cas, depuis quelques années, ils se produisent régulièrement ensemble dans ce registre un peu americana, entre musique des Appalaches et un style pour ce disque un peu post-Henry Flint. Petit côté aussi Lamonte Young dans le côté dronesque, donc une sorte de croisement entre l'americana et, on pourrait dire, une certaine musique post-hippie, un peu d'inspiration tibétaine par exemple. Voilà donc pour le Knock on Life's Door de Cara et Mike Kangloff with the Great American Drone Orchestra. On va continuer là encore avec des Américains, et eux aussi ont commencé il y a une foultitude d'années, à peu près à la même époque que Blurt d'ailleurs. Il s'agit de Sinking Plague, la fameuse formation post-prog américaine à géométrie variable autour du guitariste Mike Johnston, ou Mike Johnston, je ne sais pas pourquoi je vais mettre un T, qui est de retour en ce mois de février avec un nouveau disque aux éditions Cuneiform Records, label sur lequel ils enregistrent assez régulièrement depuis qu'ils ont repris pas mal de services, les Thinking Plague. L'album s'intitule Hoping Against Hope. et Thinking Plague. Bon, c'est une formation assez mythique du rock prog un peu post-rock in opposition, dans lequel jouait notamment Bob Drake avant qu'il se carapate et qu'il s'exile en France. Et puis pas mal d'autres gens qui ont rejoint ce consortium, on pourrait dire, notamment Dave Willey de Hamster Theater. Il y a aussi des ex Sleepy Time Gorilla Museum qui se sont intégrés au sein de Thinking Plague, et depuis quelques années on y retrouve également la chanteuse Hélène Di Falco. Là je propose un titre qui est plutôt instrumental de cette Hoping Against Hope, avec le Thus Have We've Made the World par Thinking Plague. she belonged to the stars. Does she belong to me? Instant l'Asie le plus sûr, deux formations plutôt aux antipodes, mais pas que géographiquement. Tout d'abord, Thinking Plague et ce Hoping Against Hope, publié par Cuneiform, label toujours très très actif, avec des livraisons à peu près tous les trimestres dans le rock prog et le jazz contemporain le plus sympathique. Retour de Thinking Plague, toujours dans une musique un peu post-prog, post Rock in Opposition, avec des compositions pour le moins alambiquées ou tarabiscotées, et on a enchaîné avec un nouvel opus de Ulan Bator qui sort le mois prochain, je crois que ça sort le 24, sous le titre Stereolite, publié par l'étiquette de Hambourg Burobé. Donc le grand retour, même si ça faisait quand même quelques années que Ulan Bator était de retour avec des disques à tirage peut-être un tantinet plus confidentiel pour la formation menée par Amaury Cambusa et Olivier Manchion qui existe depuis le début des années 90. À l'époque de leur début, on appelait ça du post-rock, et depuis ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Amaury Cambusa a rejoint notamment les rangs du groupe Faust dans les années 2000, début des années 2000, il est parti et puis il est revenu au sein du groupe Faust, et puis pas mal de disques pour Ulan Bator. Il y a une bonne douzaine d'albums avec ces dernières années, donc à peu près un disque par an, et d'ailleurs celui-ci a été enregistré pendant la tournée qui suivait le Abracadabra qui était sorti en 2016 en coproduction entre Overdrive Records et Acid Cobra, la propre marque d'Amaury Cambusa. L'album est plutôt pas mal, ce Stereolite, avec des titres plutôt courts, assez volontairement. Ils n'ont pas voulu vraiment jouer le côté motorique à répétition qui dure trois plombes. Donc un disque plutôt assez bien foutu, très très bien produit également pour Ulan Bator, avec des vocaux parfois un petit peu déroutants, mais le disque contient des ambiances assez intéressantes. Voilà donc un grand retour aux sources pour Oulan-Bator, qui a vu d'ailleurs la réédition en fin d'année 2016 de leur tout premier opus qui s'intitulait tout bonnement Oulan-Bator, celui qui était sorti en 95, sorti réédition par le label Gelo Danti Records, disque qui était sorti à l'époque aux éditions DSA, les disques du soleil et de l'acier, la fameuse marque de Gérard Nguyen de Nancy. Voilà, on va continuer avec encore une formation américaine et cette fois-ci de Brooklyn. Il s'appelle Object Collection, c'est plutôt un collectif assez activiste dans le domaine politique. Apparemment, ils ont produit une compilation album anti-Trump en courant 2016 avec pas mal d'artistes tels que Matana Roberts ou encore Phil Niblock. Puis ils font pas mal de performances plutôt théâtrales, du théâtre un peu d'agit propre, on pourrait dire, et ils sont à l'initiative d'un disque qui sort ces jours-ci sur Infrequent Sims sous le titre Cheap and Easy October, qui est un disque assez étonnant, une sorte d'opéra autour d'octobre et à partir de textes de Trotsky, de l'histoire de la révolution soviétique. Et c'est un peu une formation assez curieuse qui gravite dans des scènes musicales proches notamment d'Eliot Sharp pour ce projet mené par le duo de compositeurs et aussi arrangeurs Cara Philly et Travis Just, avec donc pas mal de gens embarqués dans ces opéras contestataires. On peut d'ailleurs écouter l'album en intégralité sur le site du magazine thewire.co.uk, mais je propose d'écouter sans plus attendre le titre qui démarre cet opus de Object Collection. On écoute le titre Pay No Attention to Those Lies. Everywhere, endless moments, conflicting currents, whirlpools of people, individuals, they're soundless, all suddenly gone deaf. Did you bring anything to read? Unfastened trench coats, gesticulating students, people roaring like the sea. The events do not form themselves into a picture. Soldiers without rifles, rifles without soldiers. Boys firing into the air, hundreds of electric balls more bright than any heaven. False alarms, false rejoicing, enough you would think to live disorder of all that chaos and scatter apart and leave never a trace. Today they have no fear of anything, but it is only seeming chaos. Beneath is a crystallization around you, as he's plunging down through the dark street with a tail of my neighbors falling behind. These crowds have not defined what they want, only what they do not want. In all my life I never heard so many words. So many words! Behind this historic avalanche, it was all utterly spontaneous. It is just the beginning. There is no way back! Even if there were someone to scatter them, they would be gathered again in an hour, and the second flood would be more furious and bloodier than the first. The city is quiet! A gold frame from which the imperial portrait has been cut! Pay no attention to these lies! Great things are coming! We'll be right back. center. The young girls were marching. The shoes were hanging. Ready! Take off that uniform. êtes toujours dans l'asile de plusieurs sur antenne du 94 MHz avec une séquence très très contrastée qui a démarré avec la formation qui nous a vrillé les tympans. Il s'agit de Object Collection avec la captation de cet opéra contestataire par cette commune de Brooklyn, une sorte de collectif qui mélange théâtre, film et musique. Object Collection et ce disque Cheap and Easy October qui paraît sur Infrequent Sims. L'album entier est comme ça, du spoken words mélangé à des ambiances impro assez sauvages. Et donc c'était histoire de nous rappeler un petit peu ce que les Américains morflent en ce moment avec cette formation Object Collection très très engagée. Ce titre Pay No Attention to These Lies. Et on a enchaîné avec la vieille formation Sight, qui n'est pas du tout allemande malgré ce nom, mais une formation italienne de la fin des années 70, début des années 80. Une musique aux confins du jazz, de l'improvisation et d'un certain héritage moyen-oriental. Une musique qui convoque tout autant la Grèce que l'Italie, la Turquie, la Hongrie, le Maghreb et toute la sphère balkanique qui officiait donc en Italie à la fin des années 70. Une formation un peu d'obédience aussi post-prog qui était née notamment un peu sous l'égide d'une autre formation assez méconnue d'Andrea Tamassia, le membre de Sight qui avait joué aux côtés de Actuala, qui était aussi un groupe qui mélangeait un peu tout ce genre de sons à la post Sœur Dearband, on pourrait dire, ou encore très proche de l'Incredible String Band. Actuala avait sorti trois disques entre 73 et 76. C'était la formation dans laquelle on retrouvait notamment Daniele Cavalanti et Lino Capravaccina, pour ne citer qu'eux. Il y avait aussi Trilog Gourtou d'ailleurs qui avait participé à Actuala, une formation acoustique donc de musique ethnique assez barjo. Et Sight avait pris le relais à partir de la fin des années 70 avec deux disques au compteur, les fameux Un giorno in una piazza del Mediterraneo qu'on écoutait à l'instant, enfin le titre qui démarrait cet opus, et le second qui était sorti en 1981 sous le titre Il Sergio degli Antichi Colori. Voilà, tous les deux à l'époque sur Materiali Sonori, et ces deux disques viennent tout juste de revoir le jour grâce au bon soin de l'excellent label Black Sweat Records, qui se consacre à la défense et l'illustration des musiques italiennes méconnues. Vous avez passé le mois dernier, je crois que c'était fin janvier, le Gaetano Liguori Collective Orchestra, et puis ils ont aussi réédité Futuro Antico, et donc là une salve de trois disques avec ces deux albums de Sight et aussi un excellent 1972 Blues Jazz Session, qui est une formation dans laquelle on retrouvait encore des membres de Actuala et aussi de Ipeson, donc des formations très très inspirées par toute la sphère méditerranéenne et aussi pas mal les musiques africaines pour le Gruppo Afro Mediterraneo et son 1972 Blues Jazz Session. Tout est écoutable d'ailleurs sur le Bandcamp du label Black Sweat Records. On enchaîne avec un musicien finlandais que j'adule. Voilà, il s'agit de Jan Andersen, l'ex Kemialiseppe Istvat, les fameux frangins chimiques qui n'existent plus vraiment. Et à la place, il a formé une autre formation sous le nom de Tomu Tonttu, avec laquelle lequel il se produit et il enregistre depuis quelques années Jan Andersen, régulièrement aux côtés d'ailleurs d'autres musiciens, de même que Camille Alissatistavat. Ce sont des formations à géométrie variable autour de ce musicien finnois pour le moins psychédélique. Et Tomo Tonttu avait sorti quelques disques, notamment aux éditions Ultra Eczema et Betalactam Ring Records. Et depuis quelques années, des disques au format peut-être un peu plus court. Il y a eu des EP et aussi un album qui était sorti aux éditions Décordeur de Hambourg, qui était sorti donc en 2012, mais il n'y avait pas eu vraiment de disque long de Tomo Tonttu depuis cette époque. Le disque qui est sorti l'an dernier aux éditions Living Records étant sorti en cassette et au format numérique uniquement. Donc on est ravis que Luc Younger du projet Helm se fende d'un nouvel opus de Jan Andersen alias Tomo Tonttu. Donc ça sort sur le label Alter Records de Luc Younger, ce disque au titre finlandais totalement imprononçable, c'est bien pour ça que je vais essayer de le prononcer, Kevätjuhla, et le premier titre de cet album est tout autant imprononçable, Jukasen Tatin par Tomo Tonttu. سعيد لكابتن الفريق احمد حسن واحمد حسن لابراهيم صلاح لعاشور الشغي وعماد عماد مذهب داخل 18 مذهب مذهب مذهب داخل 18 وبيلعب كوره باتجاه احمد المحمدي وبيحاول يحصل فيما حصلت من المحارب. Oh, hello, little fanboy. You're a little fanboy, you like music. Well, I bet you got yourself a little... You got a little record player now? Go along with your computer. You listen to those songs on the computer now, don't you? But I heard you bought a little record player, too, now. Oh, and Martha said you're down over there at the record store now, picking up those old phonographs. Yeah, and boy, I bet you got a little blog now you're gonna write about things, huh? Yeah, you got some of that? Yeah, and, oh boy, I think you even got an opinion now, don't you, too? You're starting to get a little bit discriminating about what you think is good and what you think isn't. Yeah, you're learning a lot. Hey, you're on those forum pages and you're reading a lot. And you're forming your opinion based on all the other people. Boy, now that's something else. Now you don't do that, I suppose. What else is there to do now? I suppose you don't make no music, right? You're not playing nothing. You ever write a song? Never wrote a song, did you? Yeah. Yeah, Bobby said you'd try to write a song once, but he laughed you right out of the room. Ultra A, Ultra B, Ultra motherfucking XYZ, Ultra here and Ultra there, Ultra motherfucking Tire Square, Ultras tonight, Ultras unite, motherfucking Ultras burning bright, Ultras at war, Ultras for peace, Ultras unite to fuck the police. I ain't no punk, I ain't no thug, and you'll never sweep me underneath your rug, cause I'm a true-blooded, running and gunning, extending the feel over the top shelf, feeling super extra lean and mean and gold, platinum, premium, motherfucking ultra. Yeah, I'm a motherfucking ultra. Motherfucking ultra. Yeah, I'm a motherfucking ultra. Yeah, I ain't no punk, I ain't no thug. You'll never sweep me underneath your rug, cause I'm a true blooded running and gunning, extending the feel over the top shelf, feeling super extra lean and medium, gold, black, and premium, motherfucking ultra. I'm a motherfucking ultra. أريد أن أبر والدي أو يعني أخوائي أبنائي في جانب نجوى نتيجة It's a black eyed penis knocking on my front door. Yeah, it's a black eyed penis knocking on my front door. Yeah, you tell that motherfucking dick I don't live here no more. Yeah. We're hearing reports now that there is a buildings on fire in the north of Gaza. That's a confirmed report that there are buildings on fire in the north of Gaza. Une grosse séquence de n'importe quoi, comme on les aime dans les îles les plus sûres, avec tout d'abord le projet de Jan Andersen, alias Tomu Tontu, et ce Kevachula, qui sort sur étiquette britannique Alter Records dans quelques jours, qui était enchaîné avec deux séquences extraites des faces B, puis A, de ce disque de Alvarius B versus Abdel Baki Bayro in Cairo. C'est un disque qui vient de sortir en vinyle only aux éditions égyptiennes Najashphone par monsieur Alan Bishop, le cofondateur des Sun City Girls, également patron des labels Abduction et aussi Sublime Frequencies, qui joue dans pas mal d'autres trucs, notamment les Dwarfs of East, Agusa ou encore The Invisible Hands, pour ne citer que ces deux projets récents. Et donc Alan Bishop s'est fendu d'un disque totalement épouvantable, avec ces ambiances un peu du folklore mondial, des souks kérot et aussi des musiques du Maghreb revisitées à la sauce, détunées avec des effets un peu contemporains sur les bords. Le disque est assez curieux, je dois dire. Ce disque Alvarius B versus Abdel Baki Bayro in Cairo, d'assez mauvais goût aussi, et ça ressemble assez au personnage, lui qui enregistre depuis une bonne vingtaine d'années, puis c'est un peu aussi à l'image du label Najashphone, entre de la noise assez extrême et des choses beaucoup plus atypiques. Voilà, notamment on pense au disque aussi de Porest, le projet de son camarade Marc Jerkis, avec cet excellent Modern Journal of Popular Savagery qui était sorti l'an dernier. Et puis on a terminé avec le projet Dans les Arbres, la formation norvégiano-hexagonale dans laquelle on retrouve le guitariste Ivar Grideland, le pianiste et harmoniomiste Christian Volbrod et Ingar Sash à la batterie, qui sont de retour pour un troisième opus, si je ne m'abuse, qui est sorti sur étiquette norvégienne Ubro Records sous le titre Phosphorescence. Le disque est vraiment somptueux, de Dans les Arbres. Voilà, on va continuer avec un quatuor de jazz contemporain assez fantastique, pour ne pas dire fantabulesque, dans lequel on retrouve le vétéran saxo-trompettiste Joey McPhee aux côtés de Paul Nissenlove à la batterie. Lasse Marog, autre norvégien assez secoué, est à l'électronique très très bien senti, et Michio Yagi, qui est peut-être la personne la moins connue, qui joue aussi de l'électronique et différentes choses en cordes et au coteau, et sur ce disque aussi sous le titre Soul Stream, qui est sorti aux éditions Smeraldina Rima, qui est un excellent label qui mélange jazz impro et expérimentation sonore. Et je propose d'écouter le titre qui démarre cet excellent disque. C'est vraiment très très bon, ce Soul Stream. On écoute le titre Tear of Clouds. Thank you. Thank you. vous avez prévenu qu'il était assez magique ce disque avec la joueuse de koto Michio Yagi, accompagnée par Joey McPhee, Pal Nisadlov et Lasse Marog. L'album Soul Stream, publié par Smeraldina Rima, voilà, j'y arriverai, avec une très très belle pochette d'ailleurs, superbe album de bout en bout. Voilà donc pour l'émission L'Asile Obscure de cette semaine qui va pas tarder à vous quitter. Juste pour vous rappeler que l'émission est entièrement podcastable, réécoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. On se quitte avec un dernier titre pour la route et la formation Earth qui sort son troisième opus sous le nom de Foudre aux éditions Guizet. Et Earth, bah, c'est un quartet plutôt dronesque composé de Frédéric Deoberland, de Oiseaux Tempêtes, notamment Le Réveil des Tropiques, etc. etc. Romain Barbeau, alias Sad, iPilot, Damon, Grégory Buffier de Sad également, et Paul Régimbaud de Monkoff, Christine Haute qui est aux ondes, Martenot qui a sorti un très très beau disque récemment, et c'est la musique d'un film expérimental d'un artiste de Singapour qui répond au nom de Haute Soulien, et une musique qui a été enregistrée en concert dans une église gothique à Sainte-Mary en juin 2015, donc restitué intégralement sur cet excellent disque aux éditions Guizet, cet album Earth de Foudre. Je vous rappelle que l'émission revient aussi la semaine prochaine à partir de 21h30 sur antenne du 94 MHz. Je vous laisse aussi en compagnie de Zion Highway. On écoute Foudre pour terminer. Bonne nuit, bonne semaine, à bientôt. Thank you. Thank you. should I wander through this wonderland alone, never knowing my left hand from my right, my hat from my glove? To romanticize it before, because when fear is not too close, you can easily sit back and think about it. But when you're in the middle of a protest, it feels more about survival, and you lose track of what you're fighting for. Aren't they getting ready to shoot? against something to survive, but to revolt against something in the field. We realize, in reality, the true sense of survival. When it was really happening, the cruelty was intense. Commemoration is never revolutionary, but it helps and keeps the hope of yet another uprising awake. But we know such uprisings are unrepeatable. It takes an immense amount of pressure for a volcano to burst. Elections are coming up, which I guess is the major subject right now. I think we were born under an unlucky star. The current government is unbelievable. They are just extremely shameless. You know, in politics, you hide your faults and sometimes lie to get votes. But these guys are just boasting about all the terrible fucking things they've done. Incredible. They go toward the abyss with the crown pushed down over their eyes. They see rainbows as they drown. September and October are the worst months of the year. Especially this year, under dull gray skies in the shortening days, the rain falls drenching, incessant. The mud underfoot is deep, slippery and clinging. Just mud everywhere. I can remember a general sensation, I guess. Some kind of cold sensation. Even if it is hot, it feels cold. The police in their outfits, masks, tanks, guns, etc. It feels cold, metallic. But again, this was after the uprising. Maybe during the uprising it was hot as hell. They shoot from windows, through balcony doors, from behind columns, from attics. It was a peaceful commemoration for a writer who was killed years ago. It is very crowded. When it is that crowded, it feels like there is no way out. And you become extremely alert. It is like a deep roar, but constantly at the same volume, so you never know where the source of the roar is, because it is everywhere, it is everywhere, it is everywhere.